pas tenir. C'est pas la peine non plus de rêver à autre chose. T'es là pour assurer, voir ta vie à petite dose. Mais mettre la charrue avant les bœufs, c'est déjà prendre un mauvais départ. Mais surtout faut démêler les nœuds et se tenir à l'écart. C'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine, mon gars, de devenir cynique. J'ai déjà un chien en laisse, trouve-toi une clinique. Mais mettre la charrue avant les bœufs, c'est déjà prendre un mauvais départ. Mais surtout faut démêler. C'est pas la peine.